L'agence de presse Prensa Latina, le journal Granma, la télévision, la radio L'Elor de Cuba, l'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, les journaux Dacombao et Wenxibao, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong, les réseaux de la planète et de la radio internationale de Chine, l'agence de presse japonaise Gyodong, le journal laotien Bientian Times, le journal birman The Global New Light of Myanmar, la VOA, les 11 pages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-il-sunisme, kim-jong-ilisme et du Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique ont présenté les 1er et 2 juillet, avec les photos du maréchal Kim Jong-un, la nouvelle de sa rencontre avec l'envoyé spécial du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et sa suite.